الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc la reprise des cours va être incessamment sous peu avec le akh Mahdi Abu Abdirrahman. Donc ce sera un cours qui va durer à peu près une heure et quart. Tout de suite après, on aura droit à un déjeuner entre nous, les frères, les résidents, et ainsi que les invités. Le prochain cours sera donc à 11h avec Hassan Abou Asma. Barak Nafikoum. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Donc on entame cette deuxième journée de la deuxième conférence francophone à la mosquée salafie de Birmingham par le premier cours des recommandations de Luqman le sage. Donc hier on a eu quoi? On a eu un cours introductif, et qui sait me rappeler d'ailleurs quel était le sujet d'hier du cours introductif? Le premier sujet, j'avais dit l'ilm shara'i. Donc j'avais d'abord souhaité la bienvenue aux étudiants en sciences, hein, par l'explication du hadith marhaban bi talib al-ilm. Et puis on avait rapporté quoi, comme tu as dit, la noblesse et la préscience de la science et des gens de science, ahsant. Et puis on a parlé de, ou plutôt on a terminé par, exactement, la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala qui concernait, un peu plus précis, non. C'est bien, tu expliques déjà, mais d'abord, de quoi on parle en fait ici? Exactement. Toi, tu as décrit déjà ça en détail, mais c'est ça que je voulais entendre. C'était quoi? C'est qui fait l'intifa' bil Qur'an? C'est-à-dire comment tirer bénéfice ou comment bénéficier du Coran. Et comme tu as dit très justement, c'était avec ce que Ibn Qayyim rahimahullah l'a rapporté. C'est-à-dire que les conditions doivent être réunies, ce qui empêche ne doit pas être là, d'accord? Eh bien, aujourd'hui, on va commencer, inshallah, vraiment à le thème de la Daura. Et j'ai choisi comme thème Sourate Luqman, ou plutôt pour être plus précis, les recommandations de Luqman à son fils. Expliqué par un noble cheikh qui est Cheikh Abdelrazzaq Al-Badr Hafidahullah Ta'ala, que vous connaissez peut-être, qui est un enseignant à l'université de Médine et qui enseigne à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est un savant, fils de savant. C'est le fils de qui? De Cheikh Abdel Mouhsin Al-Abbad, Al-Muhaddith Hafidahumullahu Jami'an. D'accord? Donc on va se consacrer plutôt à une partie précise de Sourate Luqman, hein, ou plutôt à une page de Sourate Luqman. À partir de la parole d'Allah Azza wa Jal, « Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah » Jusqu'à en bas de la page. « Inna ankara al-aswat ila sawtu al-hamir » Donc du début jusqu'à la fin de la page, inshallah. On va prendre ce week-end 50 fawaïd, inshallah. Hein? D'accord? Donc je commence directement Cheikh Abd al-Razzaq, حفظه الله تعالى, il dit: فإن الوصايا الواردة في قصة لقمان تضمنت فوائد عظيمة وتوجيهات كريمة ولفتات مباركة ونهجا سديدا في الدعوة إلى الله وتربية الأبناء وتنشئة الأجيال, وفيها بيان للوسائل الناجحة والأساليب الناجعة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم الناس الخير. ولهذا كان من المتأكد على المربين والآباء والمعلمين أن يعنوا بهذه الوصايا وأن يقفوا عندها وقفات ووقفات ليأخذوا منها النهج السديد والطريق الرشيد في الدعوة والتعليم. Donc Cheikh Abd al-Razzaq, حفظه الله تعالى, il dit, ou il commence en disant, et vous allez voir qu'à un certain moment, je vais rapporter quelques fawaid de Cheikh Rabi', hafidahullah, parce que Cheikh Rabi', il a aussi fait l'explication de ces versets de Sourate Luqman. Dans sa compilation de fatwa, pour les frères qui ont la compilation de fatwa complète et des épîtres de Cheikh Rabi', c'est dans l'un des volumes, et si je me souviens bien, c'est dans le deuxième volume. Et il y a les wasaya de Luqman. Donc de temps en temps, je vais quitter ce que dit Cheikh Abd al-Razzaq pour aller prendre une faïda de Cheikh Rabi', mais je vous ferai la remarque, inshallah. Mais Cheikh Abd al-Razzaq, il dit: les recommandations rapportées dans le récit de Luqman, d'ailleurs, quand vous allez voir qu'on appelle toujours par, comme dit Cheikh Rabi' et comme dit les savants, par le sage. Luqman, quand on dit Luqman, on dit directement Al-Hakim, le sage. Contiennent certes de grands bénéfices et des orientations nobles et des remarques bénies et une voie juste dans l'appel à Allah Azza wa Jal et dans l'éducation des enfants et dans la formation des générations. Il y a aussi dans ces recommandations une mise en évidence des moyens et des styles efficaces dans l'appel à Allah Azza wa Jal, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala, et dans l'enseignement du bien aux gens. C'est pour cette raison qu'il est impératif que les éducateurs et les parents, ainsi que les enseignants, prennent en considération ces recommandations et s'y arrêtent maintes et maintes fois afin d'en tirer la méthodologie correcte et la voie juste dans la prêche et l'enseignement. D'accord ? Et vous voyez bien qu'on est tous concernés par ça. Peut-être qu'il y en a certains qui vont dire: oui, mais moi je ne suis pas enseignant, je ne suis pas un da'i. On est tous un da'i à notre niveau. Et il a parlé à qui aussi ? Aux parents. Peut-être qu'il y a des frères qui vont dire: oui, moi je ne suis pas encore un parent. Eh bien, après, il est temps de te former. Hein ? Cheikh, il dit: en plus de ce que contiennent les recommandations comme style empreint de sagesse, afin de gagner les cœurs et de captiver les esprits, elles contiennent également l'incitation à targhib. On en a parlé d'hier. Le frère nous avait défini c'était quoi le targhib. Et l'effrayement à targhib. Vous avez remarqué dans le cours de Ammar. Vous voyez, je n'ai pas vu Ammar avant de préparer les cours. Ça n'allait pas ensemble. Il n'y avait pas de conformité dans ce qu'on disait. Moi, j'ai parlé de targhib ou targhib. C'est exactement ce qu'il a fait dans le cours après le mien. Et le bon rappel et de montrer le bien aux gens de la bonne manière, ainsi que de les appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh il dit: إضافة إلى ما في هذه الوصايا من الأسلوب الحكيم لجلب القلوب والشد الأذهان والترغيب والترهيب وحسن الموعظة. C'est des fois ce qui nous manque, comme il a dit le Cheikh ici, emprunt de sagesse afin de gagner les cœurs et de captiver les esprits. Parce que c'est ça qu'on veut faire quand on fait da'wah. C'est important de garder ça à l'esprit et de savoir bien justement quels sont les moyens ou quels sont les styles à emprunter pour arriver à cette fin. وحسن الدخول على الناس في بيان الخير لهم ودعوتهم الى دين الله تبارك وتعالى فالدعوه كما انها علم يدعى اليه وعمل يرشد اليه فانها في الوقت نفسه تحتاج الى حكمه ووسائل نافعه وأساليب مؤثرة حتى تدخل قلوب الناس والله جل وعلا آتى عبده لقمان الحكمة وقذفها في قلبه. Cheikh, il fait petite annotation de page ici, il dit, parce qu'il y a des frères peut-être qui vont se poser la question, ils vont dire: est-ce que Luqman c'est un prophète ou juste un homme pieux? Alors qu'est-ce que vous dites? Qui dit un homme pieux qui lève la main? Qui dit un prophète? Les autres, ils disent rien. Alors, allez, machin. Hein? Eh bien, la parole juste, c'est ce qu'il va dire Cheikh Abdelrazzaq. Wa huwa 'abdun salih wa laysa bi nabi. Wa laysa fil Qur'an al-Karim wa la fi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma yadullu 'ala annahu nabi. Wa haka al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala fi tafsirih al-ittifaq 'ala dhalik fa qala ittafaqa al-'ulama 'ala annahu kana hakiman wa lam yakun nabiyyan illa 'Ikrimah. فإنه قال كان لقمان نبيا وتفرد بهذا القول مع علم التنزيل المجلد الثالث. Cheikh il dit, comme la prêche est une science à laquelle on appelle et une mise en application à laquelle on appelle. Ça rejoint pas ce qu'on disait hier aussi, hein? Elle requiert une sagesse et des moyens bénéfiques et des styles effectifs afin d'atteindre le cœur des gens. Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala a certes donné la sagesse à Luqman et l'a placée dans son cœur, comme on va le voir. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Et a fait de sa parole et de son rappel et de son orientation une sagesse. Alors comme je vous ai dit, il y a une note de page du Cheikh, du Cheikh Abdelrazzaq al-Badr hafidahullah, il dit Luqman n'était pas un prophète, mais un serviteur pieux. Il n'y a ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui indiquerait qu'il était un prophète. L'imam al-Baghawi, rahimahullah, hein, qui était un des savants connus du tafsir, Ahsan, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté dans son exégèse le consensus, l'ittifaq, à ce sujet en disant « Les savants sont unanimes sur le fait qu'il, c'est-à-dire qu'il Luqman, était un sage et pas un prophète. Sauf qui ? Ikrima. Ikrima, c'est l'élève de qui ? Ahsan. L'autre élève, c'est qui ? Ouais. Ahsan. Qui a dit que Luqman était un prophète, mais il est le seul à avoir cet avis. Il a dit Tafarrada bihad al-qawl. Tafarrada, c'est-à-dire qu'il s'est singularisé. Hein ? Il était le seul à avoir cet avis. Donc on a dit quoi ? Qu'il y a ittifaq, consensus, unanimité si vous voulez, à part qui ? Ikrima. D'accord ? Si les frères veulent la référence, Ma'alim Tanzil, volume 3, page 490. وَجَعَلَ كَلَامَهُ وَوَعَظَهُ وَتَعْلِمَهُ وَإِرْشَادَهُ حِكْمَةً وهذا كله يقتضي منا حسن تدبر وتعقل ومدارسة لهذه الوصايا التي نوه الله تبارك وتعالى بها في كتابه القرآن الكريم. Et ça rejoint la parole de Bilqim, rahimahullah, hier. Hein? Tadabbur, hein? Ta'aqqul. C'est ça le but. Ici de rapporter les versets du Coran, c'est de les méditer. Hein? D'y réfléchir. De s'y arrêter. La Cheikh a dit waqafat wa waqafat. De s'y arrêter. Afin d'en, comme on a dit, d'en bénéficier. L'intifa'. Cheikh, il dit tout ce qui a précédé requiert de notre part une bonne méditation et une profonde réflexion et une étude de ses recommandations. Dont Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, a fait l'éloge dans son livre, le noble Coran. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, je vais d'abord rapporter les versets en arabe, et je rappelle ce que j'ai dit hier, parce que je vois qu'il y a des frères qui sont arrivés entre temps, que je donnerai un cadeau à tout frère et même toute sœur qui mémorisera cette page de Sourate Luqman pendant cette daura. C'est une page, c'est pas beaucoup, en deux jours c'est possible. Hein, qui mémorise cette page pendant cette daura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc la reprise des cours va être incessamment sous peu avec le akh Mahdi Abu Abdirrahman. Donc ce sera un cours qui va durer à peu près 1h15.